Monsieur Alain Lamontagne. Connaissez-vous? C'est un joueur d'harmonica. Ah, l'harmonica, que c'est beau! Mais, oui, il y a beaucoup de sortes d'harmonica. Moi, j'en ai rencontré un à Paris. Ah ouais, Paris, toujours Paris. Alors, Paris, c'est Paris, à Paris, à Paris. T'as juste Paris dans la bouche, toi. Ah non, moi, j'ai la rue des Abbesses. Dans le palais. dans le palais. Le palais royal? Oh non, en parlant de palais royal, avez-vous assisté, avez-vous vu, avez-vous regardé, examiné la cérémonie du roi Charles III? C'est quelque chose. Ah, oh, mon doux Seigneur. Le chapeau pesait quoi? 50-60 livres. La bonne femme, là, ça brûle. Non, ça Gaétane Brisebois. Non, c'est celle qui l'accompagne dans sa vie. Elle avait aussi la même chose sur la tête, même poids. Hein? Et elle, là, elle faisait comme les petits bonhommes pas de cou. Connaissez-vous les petits bonhommes pas de cou? C'est pas le petit bonhomme pas de couille, c'est le petit bonhomme pas de cou. Quoique, quand t'as pas de cou, peut-être que t'as pas de couille. Mais, non, Germaine, non, toi, t'en as pas. De cou. Ah non, ah non, ah non, ah non. Puis, hey, soyons honnêtes, ma belle Germaine, là. T'en as pris pas mal dans ta vie. Des coups. Ah, c'est pas drôle. Non. Je m'excuse infiniment. Non, je ne recommencerai plus avant la prochaine fois. Oui, oui, oui, oui, oui. Tu peux me crier des bêtises, vas-y. Ça va te faire du bien. Ça va éviter une crise cardiaque. T'es trop... Bon. T'es fâché. T'es rouge comme le homard là, qu'on vient de cuire, là. C'est pas absurde, hein? Tu es des homards. Mais en même temps, c'est vrai, moi, je suis amateur de steak. Donc, j'ai pas à parler. Parce que les animaux qui sont consacrés aux humains, c'est-à-dire aux êtres sans cœur... Ils ont mangé, j'aime ça, un steak, un saignant. Mais là, c'est rendu que le saignant, je croyais que c'était le plus saignant, mais non. C'est bleu, je le demande bleu. Ben oui. Moi, j'ai mangé mon steak bleu. Moi, j'ai mangé mon steak bleu. Moi, j'ai mangé mon steak bleu. Et je l'ai même pas saucé. Ne dis pas saucé dans la sauce parce que c'est redondant. Normalement, quand tu sauces, c'est dans quelque chose de liquide. T'aurais dû changer les paroles, mais c'est de l'improvisation. Donc, t'aurais dû changer. Mais là, on peut pas changer. On savait même pas qu'on allait le dire. Ah, ben voyons donc, ouais. C'est comme ma femme. Je savais pas que j'allais la marier, moi. Ben en fait, on a traversé la rue ensemble. OK? On était sur la rue du Frein. Connais-tu ça, la rue du Frein? Il n'y a pas de frein là. Hey, le monde roule, ça roule en cinglé. Ah bon, pas de permis là-dedans, là, dans cette route-là. Là. Ça fait que moi, je voulais traverser avec mon pitou. Je voulais lui apprendre à comment bien se comporter, en ville, hein, dans l'urbanité. Tu sais, devant des voitures, devant des klaxons, devant des accidents, devant les femmes qui crient, des hommes qui pleurent, puis tu sais, le vrai monde, la vraie vie, la société contemporaine, mais surtout les espèces d'imbéciles féminins et masculins qui sont toujours sur le cellulaire et qui marchent sans regarder ce qui se passe autour. T'es entouré de monde, d'êtres vivants, lâche le cybernétique. Regarde autour de toi, on est là, on existe. Bon, là, on se demande dans les écoles primaires et secondaires, surtout secondaires, doit-on laisser les cellulaires à la maison? Tu parles d'une belle question, toi. Réfléchis pas trop là-dessus, là. C'est un oui. Laisse-moi ça chez vous. Puis, de un, pour les examens, c'est super, hein? Ils iront pas chercher des informations. Puis de deux, vie. Il y a une petite fille, là, une jeune demoiselle, pas une petite fille, là, ça oui, je le sais bien, ça donne pas justice et justesse à la phrase qui va suivre. Mais la jeune étudiante enlève la liaison, Morenals, s'il te plaise, d'accord. Mais s'il te plaise pas, enlève-la quand même, d'accord. Et, oui, elle a dit brillamment que. À l'école, on devrait ne pas avoir de cellulaire parce qu'on commence, alors, là c'est elle qui parle, là. Elle dit que les étudiants commencent à devenir un peu esclaves. Mais là, je trouve que là, un peu était pas assez vrai, était pas assez lourd de sens. Parce que tout le monde est esclave de son cellulaire intelligent. J'en ai un depuis pas si longtemps que ça, là. Depuis 2 mois. J'ai ça, mon téléphone intelligent. Juste pour une affaire, je vous l'ai dit, je vous le redis, pour Amazon, je pouvais pas me connecter à mon Amazon parce qu'ils pensaient que c'était pas moi. Puis là, je le regarde, mon cellulaire qui était pas un flip-flop, puis je dis, hey, si c'est pas moi, c'est qui, là? Puis il répondait pas, lui, là. Il avait peur parce qu'il me connaît, moi. Tu sais, je suis soupaulé, moi. Si vous me connaissez pas, je suis soupaulé, là. Faut pas me la faire, là, puis ni me la refaire, parce que j'en ai ras-le-bol des imbéciles, puis même des gens qui nous prennent pour des gens qui connaissent rien à rien. Je sais que j'ai voté une fois pour un parti qui aujourd'hui me déçoit incroyablement. J'étais pas membre, heureusement. Ma seule carte de membre, c'est CKRL pour 25$, et je suis très heureux. Surtout qu'on a explosé le radioton. Oh, j'en reviens pas encore. Oh, je me réveille la nuit puis j'applaudis. Je t'en pleure. Oh oui, oh, un rappel. Oh, hey, 60 000 et quelques cents. C'est super. Les gens sont merveilleux. Moi, je les embrasse. Tous les auditeurs, auditrices, si t'es pas membre, décroche. Puis, ah ouais, demain, t'appelleras. Puis, t'auras le droit d'écouter Rance Renaldienne. Ou, on peut dire autre chose, restez à l'écoute. T'es pas membre, c'est pas grave, reste à l'écoute. Tu vas savoir qu'est-ce qui va te manquer dans ta vie si tu l'as plus, ta station-là. Tu vas le savoir. Pas compliqué, là. Tu te lèves le matin. Quel radio faut écouter, là? C'est correct, n'existe plus, j'ai pas donné mon 25$. Oh non, parce que celle-là est commerciale, il y a de la musique qu'on entend tout le temps, puis les animateurs n'ont rien à dire, ils sont pas passionnés, ils sont payés. Il n'y a rien, tu peux être payé puis être passionné, là, mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'est toujours les mêmes. Mais, puis en plus, ça sent la droite. Hein? Oh mon Dieu, à Québec, la radio. Ah, ah, ah, ah, ah. À Montréal, c'est des vedettes. Les vedettes de la TV font de la radio, des humoristes à Ouédon, puis à Québec, on prend quoi? On prend des gens qui ont fini à peine leur secondaire. Qui ne savent pas conjuguer le passé simple, et c'est si simple si tu as fait quand même des études supérieures, puis même terminé ton secondaire. Il y en a encore pire, et là, je vais me faire des ennemis, donc je vais arrêter là. Il y en a qui ont pris des cours, hein, des cours pour parler, là, devant un micro. Et moi, j'ai pris des cours, là. Je sais m'exprimer, je sais m'arrêter à la virgule et faire 3 temps au point. Et si je le fais pas, le trois temps au point, ben il risque de m'arriver quelque chose. Un point sur ma gueule. Oui, j'ai fait des études, deux années, 6 650 $, excusez-moi. J'ai emprunté, oui, ma mère m'a emprunté. Non, c'est moi qui ai emprunté, ma mère, elle voulait plus, maman. Et puis ça va bien. Puis là, tu fais de la radio avec ça. Les gens comprennent quelque chose? OK, c'est la radio des déprimés. Mais arrête-toi, là. Quelle station qui t'a embauché? Oh! C'est dans quelle région? Oh, d'accord! Il y a combien d'habitants? Non, t'as pas encore compté. Mais écoute, je te souhaite un grand succès, puis dis-toi une affaire, là. Pleure pas. T'as un poste dans une radio commerciale, dans une région, en région, OK? On va dire. On va pas dire, c'est en région. Et puis, il n'y a pas peut-être beaucoup d'auditeurs, mais écoute-moi bien, c'est sage, là, ce que je veux dire là. C'est très sage. C'est une école pour toi. Alors, je sais, tu vas dire la météo au corps de tour. Tu vas annoncer les décès, tu vas aussi faire des quiz, des petits bingos, mais c'est pas grave. C'est là que le métier va rentrer par devant et exploser par derrière. Puis dis-toi qu'à un moment donné, il y en a un qui va reconnaître ton grand talent. Puis là, il va te placer à l'heure de pointe, c'est-à-dire au retour à la maison. Quoique l'émission aussi très intéressante, il y en a plusieurs. Là. Selon moi, il y en a 3. Puis les autres ne sont pas non plus à dédaigner. Là. Il y a le matin, Parce que là, les gens se réveillent avec toi, là. Puis si tu écoutes CKRL, tu vas savoir que les matins, qu'on appelle les matins éphémères, elles ne le sont pas avec la grande amie que je connais très bien et qui fait cette émission depuis belle lurette. Madame Williamson. Extraordinaire. Comédienne aussi. Fait une tournée en Europe il y a quelques années, avant toutes les choses qui nous sont tombées dessus. Là. Les un deux mètres, oh mon Dieu Seigneur. Puis là, on est resté bloqué avec quelque chose. Oh non, t'as peu, ça va bien aller. Hey, c'est planétaire ça, là. Francophone, parce que moi, je sais pas en anglais, si je rencontre quelqu'un, oh, c'est de l'anglais. Voyons donc. Êtes-vous certain? Vous parlez anglais? OK, bon. Non, mais quand... You speak French? Oui. Saint-Tropez. Ah, Saint-Tropez, c'est pas en anglais, ça. Oui. Si vous voulez, là, je vous conseille fortement, terminez votre repas et vous pourrez nous parler après. OK, vous avez la bouche libérée. Ouais, il est drôle, hein? Il dit, non, je vais te traduire, là. Il dit, j'ai la bouche libérée, j'ai des dents, mais j'ai une langue. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais la bouche, la bouche vide. On a un palais. Puis c'est pas le Buckingham. Le palais de Buckingham, voici le roi Charles III. Buckingham. Puis là, il y a des imbéciles encore. Mais ça, comme je vous l'ai dit, ils sont imbéciles. On vient toujours aux oreilles du roi. Moi, ça fait longtemps que je les vois. Parce que je trouve sincèrement, vous ne le savez pas, là, vous ne le connaissez pas, le roi Charles III ressemble à mon père. Peut-être les oreilles un peu moins décollées, là, mais vraiment, là, aujourd'hui, à l'âge qu'il a, mon père est mort à 64 ans. Puis je trouve que le prince, actuellement, il a l'air d'un homme de 64 ans, pas de 74, là, il a 74, 75. Il n'a pas l'air de ça. Puis, non, je l'ai fait la semaine dernière. Non, il y a deux semaines. Hein, le rappel, puis ça. Et puis sinon, ça va bien chez vous? Hey, déjà, hein, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai été possédé par les Raymonds. Ah! Puis là, il y a comme, non, c'est pas un rôle que j'avais entendu, monsieur. Ne vous régurgitez pas dessus. Non. C'est parce que j'avais des démons intérieurs qui se sont exprimés. Oui, j'ai fait une messe satanique avant l'émission et il reste encore quelques séquelles. C'est qu'elle le sait très bien, là, hein? J'ai dit, là, hein? Que si on continue dans l'enfer, des satanismes, mais ça risque de faire des émissions un peu trop explosives. Et que si ça explose, mais ça implose pas. Hein? C'est certain que ça sort par en dehors, ça va vers dehors et non pas vers le dedans. Parce que le dedans, ben là, il fait beau, hein? C'est le mois du juin, c'est intéressant. Le début, ça promet. On se la souhaite belle l'été, hein? On se la souhaite lumineuse, amoureuse, humaniste, sans guerre, de la paix partout, surtout dans notre famille, dans nos amours, dans notre microcosme. Et puis pourquoi pas de l'amour, de CKRL jusqu'à chez vous. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile, à vivre et à rêver. Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé. À ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient, je veux être utile à vivre et à chanter. La la la la. Tout le monde. La la la la la. quartier d'une lune perdue. Une lune perdue. Même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus. Et qu'on ne m'entend plus. Même si c'est moi qui chante. Même si c'est moi qui chante. À n'importe quel coin de rue. À n'importe quel coin de rue. Je veux être utile. Je veux être utile. À vivre et à rêver. La la la. J'aimerais vous présenter mes musiciens. À la basse, c'est Fran. Ah, que j'aime ta couleur café. Ton sourire. À la batterie, c'est Eric. Ta couleur café. Dans la voix de feu. Et c'est des yeux et des hanches. Si tu au veux. Clavier, c'est Brown. Et si tu fais comme le café, rien t'a m'excité. Rien qu'à faire. Cette nuit, la nuit sera blanche. À la guitare, c'est Nicole. Comment il dit ça, lui? Le magicien du surréalisme l'homme, le, non, le farfadet le plus imprévisible dans le circuit médiatique actuel, c'est moi. Il faut être prétentieux. Quand même, ça fait peur. Mais ce qui fait peur aussi, c'est les préjugés. Ce qui fait peur, pour certains, c'est le côté kitsch. Ah, oh, moi, je suis pas kitsch, oui. Ah, oui, oui. Et je voudrais dépoussiérer, redonner fière allure à un artiste qui, au Québec, doit passer pour un vieux jeu. Vieux jeu, très vieux jeu. Il est décédé. Oh! Est-ce que c'est après ça qu'on devient vieux jeu? Oh! Non, parce qu'on devient plus vieux. On est mort. On est plus vieux, là. Ah! Le temps, ben, on peut... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Avec l'histoire, ce qu'on relate concernant les gens qui sont morts, ben, tout ça peut devenir un peu lourd à porter, ou à dire, ou à lire. Mais dans le cas de mon artiste que je veux vous présenter, mais c'est pas celui que j'ai rencontré en 2016, le 9 ans, il est très vivant. Plus vivant que vivant, dans la création la plus jouissive. Mais on va attendre quelques minutes si ça vous dérange pas. Puis j'aimerais vous faire partager et surtout rendre à César ce qui est à... Ensemble, nous n'habitons pas ensemble. Nous. Et c'est ça. Mais c'est beaucoup plus de tout. Mais on s'arrête là. Parce qu'on pourrait consacrer 24 heures sur Delpech. Un homme très intéressant. Mais malheureusement, je sais pas, il reste autour de lui une sorte d'énergie malsaine, serait exagéré, mais une énergie étrange qui ne correspond pas du tout au personnage qui avait une main d'écriture, une main, il y avait une main, même deux mains. Il remettait jamais à deux mains, lui. Il y avait deux mains, mais c'était pour l'immédiateté. Ses compositions sont tout à fait intéressantes. Actuelles. Accrochées au monde de l'époque dans lequel il s'immisçait. Hey, j'ai vu le serpent arriver, moi. Là. Ça, c'est un texte écrit au mois de mars de cette année. Le 18 mars, c'est un samedi. Je me souviens, malgré le travestissement du quotidien, l'hypocrisie de l'existence, la fabulation du temps, je sens et renifle encore les évocations poussiéreuses, mais la passion encore vierge, intacte. Non, c'est pas de Boissonneau. Non, c'est pas de... Exactement, c'est de Hergé. Non, Hergé, pas le BDiste, là. Hergé, l'errant. Hergé, l'être. Ouais, mais Hergé, l'autre Hergé, le BDiste, c'est aussi un être. Oui, mais oui, c'est un être. Mais lui, le Hergé que je veux te décrire, c'est un Hergé près de toi. Un Hergé même que tu entends actuellement. Mais voyons donc, tu veux dire que c'est toi? Ben c'est moi. C'est toi, c'est moi. Mais cette voix-là, c'est pas moi, c'est un personnage. Où est le vrai Rénal? Il est là. Bonsoir, comment ça va? Les enfants sont couchés. Enfin, on peut relaxer. Dernière journée de la semaine. Oh, avant de respirer, de se sentir appartenir à la terre, au monde, et en même temps, couper avec la routine pendant 48 heures. Coupe la routine! Oui, tu veux ça en rondelles, tranchées minces? La routine, j'aimerais ça couper en deux. T'en tires une au nord, t'en tires une au sud. Le temps que ça prendra pour qu'elle se remette hein, de sa séparation, Bien, ce sera quelque chose d'intéressant parce que la routine ne sera plus présente qu'aux deux coins, nord-sud, aux deux oppositions même. C'est vrai, nord-sud, c'est opposé. C'est comme Hergé. Rénal Gagné, c'est opposé. Mais voyons donc, c'est le même gars. Oui, mais dans le... Pas vraiment. Non, non, mon psychologue m'a dit que c'était pas comme ça. Il dit, il faut pas... Quand tu simplifies, là, tu rends trop le résultat accessible à tous. Puis c'est pas ça, là. Non, non, il m'a pas dit... il m'a pas évacué tout ça de même, là. Non, non, non, non, non, non, non, non. Avec des mots de psychologue, là. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Puis heureusement que j'ai mon dictionnaire à la psychologie. Pour saisir rapidement ce qu'il veut me lancer comme vision qu'il a eue ou non. Non, non, non, non, pas vision, analyse. J'allais dire vision, c'est pas un visionnaire, ça là. C'est un gars qui fonctionne sur les structures, les nœuds, surtout les nœuds humains, les nœuds qui nous ferment, ils nous renferment, ils nous refusent, surtout ça nous refuse d'aller plus loin. Et monsieur, c'est oui, mais en disant ça, moi, le gars de mes doigts se recroqueville, mes yeux s'éparpillent, ma babiche s'étire, ma langue se liquidifie. Bref, t'es en transe. Ah, mais plus ou moins. C'est pas ça la transe pour moi, là. La transe, là, c'est le moment où tu perds le nord. Le sud également, là. Comme tu as divisé tantôt là, en deux, tu perds le nord, puis tu ne le cherches pas, là. Puis c'est lorsque tu ne vois plus clair que tu t'élances. Tu t'élances vers un je ne sais quoi. Et c'est ce je ne sais quoi-là, c'est dans ce grand tableau du je ne sais quoi que la création arrive. Surtout une création automatique, une création pure, une création sans fondement, même la seule chose qui la tienne, la création, c'est les mots. Un peu comme un chemin. Ce qui tient le chemin longiligne, c'est la répétition de... Moi, ça dépend, là, de la pierre. Est-ce que c'est de la pierre molle ou de la pierre dure? Vous avez coulé ça avec du béton armé ou étiez-vous armé de patience? Parce que c'est long, hein? Ah, c'est long, c'est long. Tu coules ça là-dessus, là, puis ça sèche pas comme de la tire d'érable, ça, là. Ça durcit pas de même. C'est pas de l'époxy, ça. Ça va, moi c'est pareil, je passe mes deux oreilles, même avec deux yeux. Je veux pas tout ce que je veux, parlez pas de la misère, parlez pas des malheureux. La seule chose que j'ai à faire, c'est d'essayer d'être beau. Ça c'est pas du goût, ça pousse pas comme des carottes. Ça prend peut-être de l'identité, pour aller limiter. Pour trouver ta poésie dans un monde école avec des tickets paresseux, alcooliques, délicieux. Oh, quelle vie d'orgie, quel monde de sexe, y'a plus rien à l'index. Les hommes ont emmené par mon bas, les hommes ont de les par mon droit. Quand ils iront mélanger. C'est dans un poste de police que j'ai rencontré Mimi. Mimi, son nom c'est Marie, son mari c'est un travesti. Marié avec Carole, ça c'est pas d'apparmétique. On appelle aussi la folle, mais qui est beaucoup moins jolie que la reine des tapettes, qu'on appelle la gomme. Je laisse les deux plus bêtes, c'est pas les plus bêtes, c'est bonnet. Quand même de beau tout d'un pour les filles, les plus gentilles. Ah, quelle vie d'argile, quel manque de sexe, y'a plus rien à l'index. Les amants emmenés par mon bar, les amants donnés par mon droit. Quand je dis les gants, mélangez-vous et puis souillez votre compagnie. Attention. signal. On était déjà plus deux. Il y avait elle, il y avait moi, il y avait son ami d'enfance, il y avait Nicolas Gouze et Nicolas Gouze par la cuisine. Par la cuisine, Nicolas rêvait dans une robe cachée. On avait rangé la bonne qui était dans tous ses états. Oh, quelle vie d'orgie, quel manque de sexe, il n'y a plus rien dans l'index. Les hommes ont hommes, les femmes ont pas, les hommes ont deux, les femmes ont trois. Quand je dirais go, mélangez-vous et puis soyez vos bonnes compagnies. La tire d'érable, je sais, c'est pas de l'époxy, voyons donc, non, mais en fait, j'essaie de trouver des synonymes intellectuels, ouais, normalement, c'est... Ça peut être... Non, c'est langagier, souvent, les synonymes. Ça se tient au niveau du vocabulaire. Mais au niveau des idées, c'est rare qu'on trouve des synonymes. Des équivalences plus que des synonymes. On attribue, ben oui, c'est ça, exactement, c'est ça le problème. Quand je dis exactement, là, c'est que je me réponds à moi-même. Je me pose des questions, j'essaie d'y répondre et de trouver autre chose pour ouvrir un autre sentier. Parce qu'il n'y a pas juste une façon de se diriger à un endroit. Il y a plusieurs, comme plusieurs tentacules. Oh, j'ai bien aimé ton tentacule parce qu'il y avait un S là-dedans. Oui, un tentacule, je ne sais pas pourquoi le S s'est glissé là-dedans. Il y a plein de choses quand tu vas d'un point A à un point B. Il y a plein d'obstacles, on appelle ça des obstacles. Ça n'en est pas toujours, là. Tu sais, c'est pas la course à l'arrêt. Non, c'est à la haie. Elle haït ça, elle montée sur le là-dessus parce qu'elle n'est pas capable de lever la patte. Et on a fait ça là, pour nos aînés, là. La course à la haie. Elle en marchette. Mais là, ben oui, ben vous allez dire, si tu veux présenter ça à la télévision des aînés, il faut quand même les intéresser. Il faut parler d'eux. Il faut arrêter de focusser sur les jeunes. Focusser sur les bébés boomers. Ben quoi que les bébés boomers, on sent la marchette. Hein, tranquillement, les amis! Et ça a fêté ce monde-là, c'était Woodstock, hein? Woodstock! Hey, aujourd'hui, ça a plus de stock, ça cherche du stock. Hey man, t'as-tu du stock? J'ai vécu ça, moi, ce monde-là, là. Hey, le PCP, Harry, le Milcini, ABCD, LSD, je connais ça, moi. J'ai vécu ça, moi. À l'envers, à reculons, en haut, en bas, ah, mon, c'est des. Je m'en souviens plus encore. Pink Floyd. C'est bon pour le... J'aimerais juste une neurone, moi. C'est Pink Floyd. Et surtout... Non! Ça sortit presque tout seul, mais je l'ai arrêté! On va mettre... Placer en prison, ce mot-là, là. Lequel? Là, si je leur dis... S-U-R-T-O-U-T. Enlève-moi ça. Tu l'as appelé? Ben oui. S-U-R-T-O-U-T. S-U-R-T-O-U-T. Surtout. Ben oui, mais je t'ai dit pas le répéter. Non, on va le mettre en prison, mais il faut le trouver avant. À quel endroit se loge-t-il? Ben, dans tous les bons livres, on doit avoir utilisé au moins dans un bouquin, hein? Si vous avez une bibliothèque, il n'y a pas une bibliothèque, un livre, on n'utilise pas, à un moment donné, le mot « surtout ». Mais là, quel livre tu veux que je prenne? Le livre de la jungle? Ah, oh, ben non, ben je sais pas, là. Je l'ai jamais lu. Il y a plein de livres que j'ai... Soyons honnêtes, là. Je vais l'être, là. La majorité des livres, je ne les ai pas lus. Je sais pas comment on peut compter en français là, les bouquins francophones. Comment on publie, comment publie-t-on de livres par année? Pourquoi t'as fait par année? Mais si je te le dis, c'est... Comment publie-t-on de livres? Combien publie-t-on de livres par année? Combien? Francophone toujours, là, pas anglophone, hispanophone, moyenophone et puis téléphone. En téléphone, moi, je dis au moins c'est... ça dépend des drinks. Hein. Samedi, là, ça va être plusieurs drinks. Le téléphone, il fait combien? Dring, dring, OK? Puis la fin de semaine, dring, dring, dring, dring. Et monsieur, c'est pas parce qu'il en fait plus, parce que t'en entends plus. Il en fait toujours deux. Mais là, à force de prendre des dring-dring, la sonorité se modifie dans ton oreille. Si, surtout si t'as été à Woodstock. Si t'as pris du stock à Woodstock. Quel genre de stock musical, mais ouais. Hey. Là, je parle pas en beauce. Le vrai Woodstock à Woodstock avec les chanteurs de Woodstock en 70. Pas les tu sais, on refait. Je vais arrêter de dire ça parce que je me suis... Oui, exactement. Elle s'en souvient encore. J'ai cassé trois vitres lorsque je me suis pris en... Quand je me suis emporté. Importé. Étais-tu un importé, toi? On est tous des importés. Moi, je m'importe peu si je suis importé. L'important, c'est d'être soi-même. Chose que je ne suis pas souvent, mais... je ne suis pas suivi. Je viens de dire des affaires, là. Non, une affaire. Une affaire. Puis j'en fais une affaire d'État. Oh, ben non! Oh, ben là, ouais, wow! Emmerde pas le peuple avec ça, là, wow! En plus, ça te concerne que toi, que ton nombril. Pas nombril, nombril. Pourquoi il y en a qui disent nombril? Parce que la prononciation... On peut pas reprendre tout le monde, on peut pas... Non. On va enlever tout le monde, on peut pas reprendre. Chacun a sa façon de prononcer. Ma petite dame qui travaille avec moi la semaine, elle dit, je vous l'ai mentionné à un moment donné, elle dit portail, elle dit orteux. J'ai mal à mon orteux. Pourquoi elle dit orteux? De quel coin du Québec est-elle native pour dire orteux? J'aimerais ça qu'elle me l'écrive, le mot orteux. Est-ce que c'est tellement... Ça peut être ça aussi, là. Rapprochez-vous, Dodd. Rapprochez-vous. Peut-être que son pied est tellement difforme que dans son cas, à elle, uniquement à elle, c'est pas orteil, c'est orteux. Quand tu vois ça... Ah! Ben oui, je t'ai dit, c'est pas des orteils, moi, c'est des orteux. Eh, c'est désertique, mais c'est désertique, c'est bien gentil. Mais c'est bien gentil de dire ça, mais quand j'ai été voir mon médecin de famille, familier, j'en ai pas de médecin de famille, mais j'en ai improvisé un. Ah oui, j'improvise beaucoup de choses, mais il m'a dit non, on peut pas appeler ça orteil, là, c'est vraiment une honte pour tous les orteils, pour toutes les pour tous les doigts de pied du monde entier. Tu sais, monstre, là, ça vient pas du fait que c'est horrible. Là. Monstre, là, c'est lorsque c'est pas dans la norme. Par exemple, et moi j'aime ça par exemple parce que les gens, tu sais, on te perd dans le discours, mais quand tu dis par exemple, il se sent un peu réconforté parce qu'il va l'expliquer, ce qu'il veut dire. Ça fait du bien, là, tu te dis, « Ouf, la soupape, il va nous l'expliquer parce que moi, je n'ai rien compris. »« Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire, monstre, puis tout ça, mais... » Ah oui, monstre. Monstrueux. C'est qu'il n'est, ce qui n'est pas pareil. Ce qui n'est pas comme tout le monde. Par exemple, « Ouf! »« Ouf! » Je commençais à suinter la Vierge Marie. « Boup, boup, boup, boup, boup. » un break de batterie coule sur la FM. Il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma suit la cadence qui me mène au nirvana. Ensorcelé, le pacte est scellé. La beauté du corps sans effort, c'est de danser. On me traite de traite quand je traite de la défaite du silence. Le silence est d'or, mais j'ai choisi la cadence. Une vague, un cyclone, que dit la météo? Qui sème le vent récolte le tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. Chaque mot, chaque phrase, dit avec emphase. Fais le clown MC, le commando de la phrase. Le tempo est roi dans l'arène musicale. Les reines sont à moi, torero, lexical, matador. Prêt pour la mise à mort, après le corps à corps. Alors fais un effort, remue ton corps plus fort. On est d'accord, pas de temps mort, mais sache pourquoi. Parce que le tempo est roi, le paramètre est paranormal. Que dire, que dalle, clown MC s'installe. Ancré dans les annales, exemple. Le rock, la salsa, le twist, le reggae. Petit à petit, sans faire de bruit, se sont imposés. Car qui sème le vent, récolte le tempo. Le tempo. Au nom du père, du fils et de Claude MC, Solar vous invite dans les rap parties. Car je suis un MC d'attaque, sans dire authentique, pas en toque. Prêt à frapper, c'est le but pour le mouvement hip-hop. Coûte que coûte, j'écoute et je goûte cette solution aqueuse qui les rend heureuses. C'est du rap liquide, fluide, créé par un druide un peu speed qui file comme un bolide. Pour ne pas faire un beat, du rap d'attaque qui frappe et pas te matraque et pas t'attraque. Plus de temps tu claques, je suis MC des Carpates, un MC. Vérité authentique sans aucune panique, prêt à frapper, c'est le but. Alors mon ami, écoute bien cette musique. Car qui sème le vent récolte le tempo. Le pédagogue encore au nom de code sous la roue de MC te propose d'écouter ceci qu'on appelle les voyelles des consonnes, les consonnes. La musique est bonne, je prends souvent le temps d'aller de l'avant. Je ne perds pas un instant car c'est de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, fait-il le malheur? L'essentiel est d'être à la hauteur. Pas de morale sur ces quelques mots. Qui sème le vent récolte le tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. Le tempo. Le tempo. Le tempo. Le tempo. Dire l'exemple, ben oui, on y va. Lorsque tu travailles, par exemple, oui, c'est ça. Tu fais une chaise, tu bâtis une chaise. Donc, tu scies du bois. En sciant ton siège, par exemple, tu te coupes le doigt. Aïe, aïe. Tu vas à l'hôpital, l'hôpital te l'arrange, puis là, l'hôpital. T'allonges ton bout de mignon, puis là, on dit, ben, mignon, comment on va réparer ça? Ça se répare pas, donc on va recoudre ce qui reste, puis vous aurez uniquement 4 doigts. Donc, lorsque je montre ma main de 4 doigts, c'est un monstre. C'est monstrueux, puisque c'est pas dans la norme. C'est 5 doigts normalement. Mais ça dépend. Regarde-moi. Ben oui, mais t'es à la radio. Non, mais regardez votre radio. Vous allez me voir à travers la radio, OK? Regardez-moi. Bon, là, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. Vous allez voir comme un filet. Un filet ou une brume, c'est mieux de dire brume, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va voir les filets, mais la brume, ça va arriver. Alors, c'est comme si, lorsque vous avez votre, exactement, votre bouteille, vous la frottez, puis vous voyez, un grand six pieds là, sortir de la bouteille, bien c'est ça. Là, vous allez voir comme une boucane, une petite fumée, qui va embrouiller légèrement votre regard, puis vous allez me voir à travers ce regard-là. C'est une surface écranique. Fumigène. Alors là, vous allez me voir. Bonjour. Hein? Est-ce que vous me voyez? Excuse-moi, moi, Raymond, mais peut-être que je n'ai pas la radio adéquate. Adéquat, adéquat, adéquat. Elle voit rien, elle. Elle voit absolument rien. Je vois les boutons, je vois 89.1, mais je vois pas de voilage, je vois pas de surface écranique fumigène, puis je vois pas de personne, puis il n'y a rien qui se passe. Puis... Bon. Paniquez pas, fermez les yeux, ça va mieux aller. OK? Là, moi, je vois du noir. Mon noir, je vois du noir, c'est normal. Bon. Là, dans ce noir-là, laissez évoquer un visage. Hein, mon Dieu, lequel? Michel Delpech? Oh, ce serait gentil. Mais j'ai pas vraiment la face à Michel Delpech, là. Oh. Mais si tu te dépêches rapidement comme ça, là, pis, ça peut être une ébauche. Une débauche? Ah, c'est toujours des débauches, moi. Ah, samedi soir, c'est la débauche. Ah, la débauche, la débauche, la débauche. La débauche, elle a débauche. Parce que s'il y a débauche, c'est qu'il y a eu débouchage. Bon, alors, ferme tes yeux. Excusez-moi. Et puis, tu vas voir. Tu vas me voir. Malheureusement. Puis, si tu as trop peur, ouvre-les, je vais disparaître. Là, pourquoi tu vas apparaître puis disparaître? C'est une bonne question. Je le savais au début, mais là, je ne m'en souviens plus. Non, c'est pas plus, je ne m'en souviens plus. Alors, je ne m'en souviens plus. Bon, comment on va faire pour s'en souvenir? Pas de coulisses. Rien pour me crier où en étais-je, qu'asperge cocouge. Devant mon public. J'ai l'air de quoi? Ben, d'un errant rénaldien, du surréaliste, du farfadet, du troisième art. Troisième art? Tu as radio, le troisième art? Premier art. Premier art, deuxième doigt. C'est celui-là. Septième art, on le sait, c'est le cinéma. En fait, moi, je le sais. Huitième art, c'est peut-être les médias. Je ne sais même plus. Faudrait que je regarde ça pour avoir l'air intelligent. Mais en même temps, madame, mademoiselle, monsieur... Et c'est pas là que je dois vous en parler. Bon. Comme des enfants, je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, d'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, tcherno débile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trêve qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Comme le trèfle à quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pique pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur.

cachet, distributeur de cochonneries et de bonheur préfabriqué. Allez-vous en paradis, bande de tête pilochée. Moi je t'en ai d'entendre vos conneries, vos saloperies, mes bons mentries, mes bons yeux ambitionneux, crier au pire, j'ai réussi. Hostile, ici au moins, y'en avait moins, y'en avait moins de pauvres crétins. Mourir pour la patrie, Kalichnikov et compagnie, pour faire rouler l'économie. Puis si au moins, y'en avait moins, y'en avait moins de pauvres crétins prêts à mourir pour la patrie, Kalichnikov et compagnie, pour faire rouler l'économie. Pour faire rouler l'économie. Pour faire rouler l'économie. Bonjour, c'est moi le caméraman. Êtes-vous victime de quelque chose? Ta gueule! Oh oui, wow! Oh oui, wow, oui, Guy Bob! On est arrivé en même temps, sauf que toi, t'as pris la dose, alors t'es à moitié morte. Ouais, exactement. Ouais, ouais. On se place ici? Oui. Parfait. Alors, comment ça va? Écoute, ça va bien, c'est un plaisir de te voir. Excellent. Toujours vivante? Ouais, hey. Toi aussi. Oh oui, ben, alors... il paraît, c'est ce qu'on m'a dit. C'est sans doute vrai. Attends, je range ça. Ouais. Tu as des journées chargées, toi? Ouais, là, ouais. Bah, tu sais, c'est toujours comme ça à cette période de l'année. Bonjour, puisque pourquoi? Les... Bah, vous êtes deux? Oui. Oui. Ça ne vous dérange pas si je vous mets sur une table de deux? Oui. D'accord. Bon. Ouais, c'est toujours comme ça depuis quelques temps. Bon, c'est parce que là, c'est la grosse saison qui risque de passer. Ouais, mais. Sont revenus, on est mercredi. Salut! C'est ça, il y a un bateau! M'avait manqué? Ben oui! Oui, non, je te disais, cette période, c'est toujours la bousculade parce que les producteurs, eux, ils veulent partir en vacances tranquille. Ok. Alors, ils te filent tout le boulot à faire pendant les vacances, comme okay. Si toi, t'en prenais pas. Mais toi, tes vacances, tu les prends quand? Moi, je les prends maintenant. Je les prends en fait à la fin de la semaine, mais c'est aussi pour ça que du coup, je suis charrette parce qu'il ne faut plus que je termine pour dimanche. Voilà, lundi, je m'en vais. Mais t'es gentil d'accepter malgré tout ce que t'en as. Ah non, mais ça me fait plaisir de te voir. Ben oui, mais moi aussi. Non, mais même. Quand t'es pris avec autant de boulot... C'est pas grave. Ouais. Ça change rien. Non, mais tant qu'à vivre le côté infernal, on va en profiter, on va en rajouter un peu. Ouais, c'est ça. Ben non, mais au moins, je vais boire un coup en terrasse. Ah oui, oui, oui, oui. C'est ouais. Quand même, il fait beau. Avec un copain, ça va quand même être le plaisir de la journée. Il fait beau, mais toi, tu travailles encore pour des séries télévisées, c'est ça? Alors, en ce moment, non, mais oui, enfin, oui et non. Là, tu sais, à chaque fois que tu viens, je suis en stage au Conflorent. OK. J'anime un stage. Bon, ben, ça loupe pas, là. Ça y est, c'est ma semaine de stage. Donc, je suis avec une douzaine de petits jeunes. Là, de 17 à 19 ans qui s'entraînent à jouer devant la caméra. C'est des grosses journées, c'est des journées de 7 heures enfermées dans un truc sans fenêtre. Mais là, qu'est-ce que tu fais si tu essaies de les immerger dans... Non, on travaille des scènes, on fait des exercices, tu vois, des exercices face caméra, des simulations de casting, des choses comme ça. Mais tu essaies là-dedans que ce soit de plus très réel parce qu'ils vont le vivre. Ben, en fait, j'essaye surtout de se concentrer sur leur interprétation, c'est-à-dire ce qu'ils arrivent à aller chercher en eux, à exprimer. Mais c'est certain que tu vois beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants passer, puis à travers ça, tu dois en voir qu'ils l'ont pas vraiment, qu'ils n'ont pas le sens. Ah, bah c'est sûr, hein, mais ça les... c'est pas pour ça qu'ils doivent pas essayer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est justement souvent. Là, moi, ça me concerne plus, ça c'est pour eux, mais eux, ça fait un test, tu vois? C'est un truc, le cinéma, ça fait rêver, tout le monde s'imagine qu'ils pourraient jouer la comédie, et Tom Cruise, tout mais ça, tu vois? faut qu'ils essayent. Après, il faut aussi qu'ils soient humbles, c'est-à-dire qu'ils se disent que c'est pas parce qu'ils n'y arrivent pas là maintenant qu'ils ont 17 ans et demi qu'ils n'y arriveront jamais. Enfin, c'est aussi qu'ils comprennent que c'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille, qui mûrit. Mais ils viennent de terminer le lycée avant de se trouver. Ouais. Okay. Oui, c'est pour ça. Au lieu d'aller à l'université, ils ont décidé d'aller. Ouais. Mais des fois, ils ont fait du théâtre déjà au collège. Et au lycée, tu vois. Donc c'est ça surtout, c'est des niveaux très disparates pour le même âge. Et puis là-dedans, t'as des perles. D'un seul coup, t'as quelqu'un qui a complètement compris ce que c'était que de jouer, qui a l'instinct, qui bosse, qui est motivé. Et toi, t'en connais actuellement? Dans mon stage, non, tout est encore en gestation. Mais ça, dans mon groupe, il y en a qui sont vraiment pas faits pour ça. Mais je vois pas trop comment on arriverait à débloquer ça dans les années où... Non, mais peut-être qu'ils sont faits pour le théâtre. Alors, de toute façon, tu sais, c'est aussi des stages qui servent à savoir si tu peux rentrer au cours Florent. Et moi, quand c'est comme ça, quand je suis pas convaincue devant la caméra, comme la première année au cours Florent, c'est que du théâtre, je demande qu'ils refassent un autre stage de théâtre. Et des fois, c'est vrai que ça les débloque. Parce qu'en fait, s'ils ont du mal à sortir des choses d'eux, et qu'en plus, on fait un travail un peu intimiste, tu vois, pour la caméra et tout ça, bah finalement, ils n'y arrivent pas forcément, même si tu leur fais faire des exercices, tout ça. Les violenter un peu, les faire passer par le théâtre, tu vois, de se faire entendre, de couper l'espace. Mais c'est que le cinéma, c'est tout le contraire. C'est ça. C'est tout. Bah, des fois, ça leur demande de passer par le théâtre. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Ah, s'il vous plaît. Désolée. On va regarder. Oui, on regarde. Hey! Toi, tu préfères le blanc ou le rouge? Le soir, moi, plutôt le rouge. Ah, ben moi aussi. Moi, c'est tout le temps. Je vais prendre la même chose que toi. Je fais confiance. Bah, du coup, on prend une 22. Parfait. Un 22? Oui, parfait. Bah, un médoc. Parfait. OK, très bien. Parfait. Alors? Oui. Et toi, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Revenu pour ma santé mentale ici. Ouais. Tu retrouves tes marques ou ça a changé? Non, bien, de un, je croyais que le Chinon était fermé dû à la COVID parce qu'il y a beaucoup de restaurants. Non. Mais non, c'est parce qu'ils ont eu un dégât d'eau. Ouais. Ah, tu savais quoi? Ouais. Oui, non, là, tout a rouvert. Hein. Ah c'est oui, pas, mais... C'est pas dans ce quartier-là que ça a le plus souffert. Okay. T'as d'autres quartiers de Paris. Okay. Où, Les magasins ont fermé chez nous aussi. Ah ouais, puis ça continue. Hein. C'est même plus maintenant. Pas les restaurants, les choses comme ça. Les boutiques. Ouais, les boutiques là, tu vois, dans les centres commerciaux, là, ça commence à être fantomatique. Ouais. Des gros trucs, tu vois, des H&M, des Fnac qui ferment, donc qui occupent deux étages dans un supermarché, puis ça ferme, puis il n'y a rien qui vient s'installer à la place. Mais aussi, chez nous, ce qu'on voit, c'est les entreprises ferment. Non, pas parce que ça ne roule pas, c'est parce qu'il n'y a pas de personnel. Oui, alors en France... C'est beaucoup. Dans les restaurants, ils en parlent beaucoup. Mais du coup, ils font juste des horaires plus serrés. Ouais. Enfin, tu vois, du coup, si dans les quartiers où ils fonctionnent surtout la journée, ben, ils ouvrent que le midi, pas le soir, ou ils terminent plutôt le soir. Dingue, hein, c'est dingue. Ouais. Puis là, non, non, on voit une différence, hein, c'est clair. Hein. On a de moins en moins de services hors pair parce qu'ils prennent n'importe qui. Bah oui. Oh. Ouais. Ouais. Ouais. Et on s'en rend compte même ici. Ouais, ouais, ouais. Alors, je veux revenir à mon travail parce que c'est super intéressant. Oui. Donc, tu les retournes au théâtre, mais au théâtre, ils apprennent à projeter et non pas à... Mais c'est pas grave. Okay. Mais, tu sais, en fait, moi, je leur dis toujours... Bon, moi, je leur demande beaucoup à ceux-là hein, qui sont débutants. Pas plus tard, mais... Je leur demande toujours de surjouer un peu. Parce que c'est plus facile quand il y a trop... de moduler, tu vois, d'intérioriser, que quand c'est regarder, garder. Eux, ils ont l'impression de donner beaucoup, puis nous, on voit très peu. Ouais. Tu vois, alors, moi, j'aime bien doser moi-même. Oui. Mais non, mais c'est toi alors, donner tout, puis une fois que tout est sur la table, je trie, puis on voit ce qu'on garde. Et... Puis en même temps que chaque réalisateur a son style. Oui, en plus. Mais c'est ça qui est plus compliqué. Oui, mais ça, une fois qu'ils sont à l'école, ils l'apprennent parce qu'ils ont plusieurs intervenants... Mais... Donc, plusieurs regards sur eux plusieurs méthodes de travail. Ouais, j'adore vos t-shirts. Ah, merci. C'est tout. Alors, on va prendre un 22 de médoc. Et deux grands verres d'eau. Deux grands verres de médoc. Non. Ce sont des grands verres, hein. Ce ne sont pas des pichets. Des ballons. Ah, d'accord. Un ou deux? Non. On a soit des verres de 14, soit des verres de 22 centimes. Bon, alors, deux verres de 14. Voilà, c'est parti. Et deux verres d'eau. Sinon, on va... Oui, on va rouler. Je pensais que c'était des pichets. Ouais, non. Non. Ah. C'est des grands verres. C'est bizarre. Du coup, ça faisait... Ah, c'est bizarre. Mais si la personne boit ça tout seul, c'est dans un seul verre? Ouais. Mais c'est pas chic? Non. Ça fait alcoolo? Tu m'étonnes. Ouais. Oui, oui, ça fait piscine, là. Ça Bon, écoute. Mais tu peux te rafraîchir le reste du visage, en tout cas, oui. Alors, oui. Mais avant ça, tu travaillais pour... Alors, non, mais je continue à travailler. Mais en fait, la dernière fois qu'on s'était vu, il y a plein de choses qui ont changé. La dernière fois qu'on s'était vu, je faisais de la production artistique. Oui. Absolument. Bon, mais ça, c'est fini. Enfin, la série n'est pas finie. Mais en France, il y a un côté, comme on est intermittent, des fois, sur ces fonctions-là, où on arrive en premier, qu'on part en dernier, on travaille des 8 mois d'affilée. Et 3 ans de suite, ça fait trop d'heures. C'est-à-dire qu'on devient ce qu'on appelle en France des permittants. Et du coup, l'entreprise, moi, je peux demander à l'entreprise de me signer un CDI. Okay. Je deviens dans mon bon droit, tu vois, de dire, bah, attendez, là, je suis tout le temps là. Donc, voilà. Et donc, quand tu signes ça, tu t'incrustes. Ouais, donc eux, ils évitent. Donc, au bout de 3 ans, quand tu as atteint le... Hop. Donc là, tu sais, c'était des séries sur lesquelles je travaillais déjà avant comme directrice de collection et co-auteur. Et du coup, je suis revenue sur ce poste-là. Mais du coup, c'est beaucoup plus court. Hein. C'est 3 mois dans l'année à peine au printemps. Mais bon, donc je continue à travailler. Mais du coup, je suis à nouveau chez moi et non pas à Boulogne avec 2h30 de transport aller et retour. Enfin, c'est beaucoup. Ouais, non, j'avais des grosses journées. Hein. J'étais partie de la maison plus de 12-13 heures. 10 heures de présence au bureau, vraiment de présence effective. Là. Ouais. Lancez-vous de là, il faut que je voie mon chum. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il était parti, il était pas là. La dernière fois que j'ai parlé, son cœur était mal à manger. Sa tête était dans un étau, il était pas beau. Il y avait de la coke dans les yeux, il y avait de l'héro dans le sang. Il y avait tout son corps qui penchait par en avant. Il y avait le goût de vomir, il y avait envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi j'avais le goût de m'enfuir. Je l'ai laissé tout seul au bord de la catastrophe. Pardonne-moi, j'ai pas voulu. Pas voulu t'abandonner dans le moment le plus rough. Je suis le lâche des lâches, pas le tough des tough. Parle-moi sans m'avoir Moi je fais mon chemin dans la foule en espérant qu'une chose, c'est d'avoir ton visage ou de t'entendre crier avec ta voix immense et ton cœur qui explose. Aidez-moi, aidez-moi. Moi je fais mon chemin dans la foule en espérant qu'une chose, c'est d'avoir ton visage ou de t'entendre crier. J'en ai plein mon casse mais c'est pas encore l'overdose. Aidez-moi, aidez-moi. Attendez-vous de là, il faut que je voie mon chum. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il était parti, il était pas là. La dernière fois que j'ai parlé, son cœur était mal à manger. Sa tête était dans un étau, il était pas beau. Il y avait de la coke dans les yeux, il y avait de l'héro dans le sang. Il y avait tout son corps qui penchait par en avant. Il y avait le goût de vomir, il y avait envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi j'avais le goût de m'enfuir. Je l'ai laissé tout seul au bord de la catastrophe. Pardonne-moi, j'ai pas voulu. Pas voulu t'abandonner dans le moment le plus rare. Je suis le lâche des lâches, pas le tough des tough. C'est ton cœur qui explose. Aidez-moi, aidez-moi. Moi cheveux mouche pas dans la foule en espérant qu'une chose, c'est de voir ton visage ou de t'entendre crier. J'en ai plein mon casque, mais c'est pas encore l'overdose. Aidez-moi, aidez-moi. Attendez-vous de là, il faut que je voie mon job. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il était parti, il était pas là. La dernière fois que j'ai parlé, son cœur était mal à manger. Sa tête était dans un étau, il était pas beau. Il y avait de la coke dans les yeux, il y avait de l'héros dans le sang. Il y avait tout son corps qui penchait par en avant. Il y avait le goût de vomir, il y avait envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi j'avais le goût de m'enfuir. Je l'ai laissé tout seul au bord de la catastrophe. Pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai pas voulu pas voulu t'abandonner dans le moment le plus rough. Je suis le lâche des lâches, pas le tough des toughs. Parle-moi, parle-moi, ça m'a wadji. Recalme, yo. Donc bah là j'ai retrouvé un peu un train de vie, un rythme de vie d'auteur. C'est-à-dire que je bosse beaucoup, mais de chez moi, j'ai plus les transports. Mais la COVID a aidé hein, pour travailler à partir de chez soi. Oui, oui, déjà j'avais pas mal télétravaillé. Ah, tu faisais avant la COVID. Oui. Ok. Ouais. Mais voilà. Donc oh, les transports à Paris, ça te bouffe. Ah, c'est cool, oui. Ah, oh, puis tu perds un temps. Mais c'est ça. Ouais. Alors après, tu te dis, tu essayes de bosser dans les transports. Moi, je faisais tous mes mails sur mon téléphone et tout. Mais c'est pas évident. Non, mais c'est sur toutes tes journées. Ouais. Parce que, en vrai, tes enfants aussi. Oui, hein? oui. Ah, oui. Alors non, mais ma vie, elle a beaucoup changé, Ronald. Ah oui? Ouais, je me suis séparée du père de mes enfants, donc maintenant, je les ai plus qu'en garde alternée, donc ça, c'est très triste. Ah, ok, vous êtes séparés. J'ai déménagé, ouais. Ah. Donc j'habite un tout petit peu en dehors de Paris, mais à 500 mètres de Paris, j'habite au Kremlin-Bicêtre, de l'autre côté de la porte d'Italie. Et voilà, donc ça, ça a été aussi une bonne année bien charnière, là, tu vois, de trouver un appart à Paris quand t'es intermittente, voilà. Ouais. Mais je suis contente, j'ai un bel appartement avec plus grand. Du coup, tu sais, dès que tu sors de Paris, tu gagnes une pièce ou deux en plus. Et assez de place pour tes enfants aussi. Oui. On a chacun notre chambre et puis j'ai une grande terrasse plein sud. Et même si c'est sur rue, tu vois, c'est pas grave. Ouais. Et un balcon. Enfin, d'un seul coup, là, je me suis dit aussi, si on est à nouveau confiné, c'est pas grave. Ouais. J'ai plus d'espace, je peux sortir sur mes balcons, ma terrasse. Non, on laisse pas pour. Je crois que... Bah, j'espère. Sinon, ce sera une rébellion, j'espère. Je sais pas. Ouais. Écoute, en tout cas, je n'étais pas pour ça, mais enfin voilà, je suis contente de mon appartement et j'ai retrouvé un équilibre, un autre équilibre. Voilà. Ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire que ça m'a pas dégagé de temps pour moi, pour mes trucs à moi. Au contraire, même parce que tu vois, là, il faut que j'assure tout seul, tout le temps. Mais moi j'en avais besoin. Ouais. Quand tu n'es plus bien dans une relation, ça fait plus de 20 ans qu'on était ensemble et ça faisait plusieurs années que ça n'allait plus. Okay. Et à un moment donné, c'est dur pour les personnes qui sont confrontées. Et c'est toujours un des deux qui souffle le plus. C'est ça. Moi, je suis restée le plus longtemps possible parce que je n'avais pas envie de me priver de mes enfants. Et là, tes enfants sont rendus quand? Alors, ma fille... Alors, quand on s'est séparés, ma fille avait 16 ans et demi et mon fils 12 ans. Okay. Donc, ça, tu vois, ça allait quand même. Mais là, ma fille, maintenant, elle va avoir 18 ans, fin août. Ouais, ça passe. Hein. Et mon fils a eu 13 ans. 13 ans, ouais. Et voilà, quoi, tu vois, mais... Et en fait, eux aussi, ils ont soufflé parce qu'il y avait une tellement mauvaise ambiance à la maison que ça permet à tout le monde de respirer, en fait. Voilà, ça n'a pas été des années très faciles, je te dirais. Au niveau personnel. Ouais. Bah, au niveau personnel, et du coup aussi, enfin, tu vois, le Covid, ça a changé plein de choses, comme on disait, mais même dans nos activités. Toi, le cinéma actuellement en France. Tous les mois, tu as des distributeurs qui disent qu'ils vont fermer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les boutiques. Ceux qui ont tenu jusqu'à maintenant, bah, ça y est, là, ils sont à genoux. Il y en a qui ont tenu parce qu'ils ont eu des aides de l'État, tu vois, mais arrivé là, on n'a pas retrouvé le même niveau d'activité et les gens ne reviennent pas en salle. Puis ça risque de prendre longtemps. Ils sont sur Netflix et sur Disney+. Oui, c'est ça. Puis c'est rendu beaucoup moins intéressant. On touche... Alors oui, alors en plus, du coup, y a, de toute façon, déjà avant, ça s'était rétracté, quel film on faisait, il fallait vraiment soit faire des grosses comédies, des gros films, on avait déjà parlé, hein, c'est pas nouveau, hein. Mais là, ça s'est pas arrangé, tu vois, soit vraiment les films d'auteur, mais genre, comme on dit en France, l'auteur qui a la carte, quoi, tu vois, qui mais, connu et reconnu. Pour les autres, c'est ça. Pour les autres, là, qui arrivaient à caser un projet un peu perso, un peu original, même s'il est grand public, c'est devenu chaud patate. Et puis, donc, à un moment donné, tout le monde a pensé, enfin, tout le monde, tous les gens comme moi, quoi, on pensait que les plateformes, ça allait donner un espace de création. Et c'est pas le cas. Non. C'est pire. Ouais. Maintenant, faut en plus faire des projets internationaux. Et t'as envie de dire, mais. Nous, en France, ce qu'on sait faire, c'est... Des coproductions, c'est ce que tu veux dire? Oui, enfin oui, non, mais pour Netflix, ils veulent pouvoir programmer ton truc partout, donc il faut Arsène Lupin... Oui, mais c'est ça, de la facilité. C'est ça, enfin, c'est plus que du grand public, oui, c'est... Ouais, du gnagnant. Bah, c'est pas toujours réussi, c'est pas toujours enfin, c'est pas toujours original, c'est pas toujours bien vu, c'est pas toujours bien senti, quoi. Parce que l'objectif, il est autre, quoi. Donc c'est compliqué, donc enfin, voilà, après c'est compliqué aussi de ne pas tomber dans l'attentisme, c'est-à-dire que là nous on a tous envie de voir, de se dire attendons de voir dans 6 mois s'il y a encore des films en salle, j'exagère, mais tu vois. Là, les gens, mais en même temps, bah, pendant ce temps, le temps il passe et tu fais rien. Ouais, mais... Donc alors, moi je vais te dire, j'ai repris les choses en main là, sur deux terrains. En fait, jusqu'à présent, les réalisateurs, ils n'avaient que des associations pour les représenter. La SRF, c'est une association. Et pour les réalisations audiovisuelles, pour la fiction télé, c'était 25 images. Et en fait, on a fondé un syndicat, un vrai syndicat, l'U2R, l'Union des réalisatrices et des réalisateurs, qui regroupe maintenant les gens qui font de l'animation, les gens qui font de la fiction télé, et les gens qui font du cinéma aussi. Alors, on a moins de gens en cinéma encore, parce que même si, en fait, on ne veut pas piquer des gens à la SRF, c'est deux choses différentes. Mais nous, on avait besoin de mener une vraie action syndicale. Moi, là-dedans, je suis au conseil d'administration, on est 24 au conseil, et je suis dans le comité parité. On est 6 dans le comité parité, parce qu'en France, il y a toujours que... Il y a plus de la moitié des diplômés d'écoles de cinéma et d'audiovisuel qui sont des femmes, et il n'y en a que 20% qui réalisent, ça tombe là, des films pour la télé, par exemple. C'est ahurissant. Et en fait, ce qu'on a vu, et d'ailleurs, on a une Québécoise avec nous, Marie-Pascale Laurencel, qui du coup va nous brief bien sur comment ça s'est passé, les quotas au Québec. Ok, elle vient... Elle travaille en France, en fait, depuis plusieurs années, donc elle vit en France. Elle continue à travailler un petit peu au Québec, mais en fait, au Québec, elle a fait partie dans le syndicat de réalisateurs des gens qui ont poussé pour les quotas dans les aides publiques. Et en fait, quand on regarde la Suède, c'est aussi ce qu'ils ont fait, et il n'y a que comme ça qu'on y arrive, et on y arrive très vite. En moins de 2 ans, il y a 50%. C'est-à-dire que dès que tu prives les producteurs d'argent, ah ben là, tout de suite, ils appliquent. Alors qu'avant, nous, en ce moment, on se prend des remarques hyper sexistes. C'est la France, c'est très, très patriarcale. Et on se prend des... mais des réalisatrices, il n'y en a pas. J'en connais pas. Il faut les former. Alors que non, justement, c'est là que tu sors ton chiffre de qui sort des écoles de cinéma. Elles sont formées. Elles existent. C'est juste, elles ne travaillent pas. Elles existent. Ouais. Et donc on va lancer... donc, on a fait plein de trucs avec le comité parité pour l'instant. On a fait pour faire connaître les réalisatrices et déjà pour se connaître entre nous et pour essayer de faire bouger les choses, trouver des idées, des solutions. on a fait un truc qui s'appelle les mardis des réalisatrices. C'était hier soir, c'est le premier mardi tous les mois. Et là, avec les festivals, on va faire des apéros. Au Festival de La Rochelle, à la rentrée, on va faire un apéro des réalisatrices. Même si les producteurs et les diffuseurs ne viennent pas, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas que ça existe. Ça existe. Pareil, le premier mardi d'octobre à Paris, cette fois, on va inviter des producteurs, même s'ils ne viennent pas. Ils savent qu'on les invite. Voilà. S'ils viennent, tant mieux. Et s'ils ne viennent pas, est-ce que c'est annulé? Pas du tout. Okay. Ah ben non, nous on se voit dans tous les cas. Okay. Tu sais, nous, des fois, là par exemple, en ce moment, bah, quand même, on travaille plus, donc on est moins disponible pour les mardis des réalisatrices. Mais tu vois, par exemple, hier soir, on avait invité des comédiennes de l'association des comédiennes et on a trouvé plein d'idées. Tu sais, c'est les filles qui ont fait le tunnel des 50. Oui, oui, oui. Oui. Donc, comment la comédienne disparaît passé 45 ans. Et comment la femme disparaît des écrans passé 45 ans, comment personne ne vieillit à l'écran à part Catherine Deneuve, Isabelle Huppert et Isabelle Adjani, qui en fait ne vieillissent pas en plus. Ça coûte cher de ne pas vieillir. Oui, c'est clair. Et du coup, comment ça se fait? En fait, il y a plus de 50% des femmes françaises qui ont plus de... C'est ça? Oui, c'est la moitié des femmes qui ont plus de 50 ans en France. Donc, il y a la moitié des femmes qui ne sont pas représentées à l'écran. As-tu une nommée, Isabelle Huppert? Oui. Non, mais après, c'est des actrices exceptionnelles. Mais elles ne peuvent pas jouer 56 rôles par an. Donc, ça veut dire juste qu'il y a quelques rôles pour elles et puis c'est tout. Enfin, bref, donc on s'est rencontrés. Il y a bien du monde qui grouille dehors. Malgré l'hiver qui fait son smat. Si un soleil, il brille pas fort. J'aime la lumière, c'est un peu plate. Coudon, ça va-tu mal dans le monde? Ou ben y'a juste moi qui capote? C'est peut-être bien parce que j'ai plus de blonde. Que la vie a l'air pas mal moins hot. C'est à cause de mon répondeur. Y'a absolument rien sa cassette. Y'a dit qu'à soir dans mon petit cœur. Il fait frais. Il y a des tracteurs partout dans la rue. Ils vont les mettre la neige ailleurs. Ça sert à rien, ils vont être déçus. Ça fait même pas plus de chaleur. Hier j'ai rencontré un pauvre. Il vit dans la rue, plus rien pantoute. Il m'a dit une phrase, je l'ai trouvé drôle. La vie c'est court, mais c'est long des petits bouts. C'est à cause de mon répondeur. Y'a absolument rien sa cassette. T'as dit qu'à soir dans mon petit cœur. Il fait frais. J'ai jamais dit je t'aime tout court. J'ajoute toujours quelque chose après. C'est comme ça qu'on voit si on est en amour. Je t'aime beaucoup, ça fait moins vrai. Peut-être qu'il neige, peut-être qu'il pleut. L'hiver est même pas sûr de lui. Il est fait comme moi, il est aussi peureux. Dans le fond, l'hiver, c'est mon ami. C'est à cause de mon répondeur. Y'a absolument rien sa cassette. Il a dit qu'à soir dans mon petit cœur. Il fait frais. À soir, c'est mon anniversaire. Ben oui, Gordon, j'ai 35 ans. Je le sais, j'en ai pas l'air. J'étais encore plus jeune par en dedans. Ouais, ben l'amour, la mort, pis tout. C'est des questions trop grandes pour moi. Pis à part de ça, le monde entier peut juste savoir combien ça coûte. C'est à cause de mon répondeur. Y'a absolument rien sa cassette. Dit qu'à soir dans mon petit cœur, il fait frais. Si j'ai pas le goût d'aller vous voir, vous autres qui dansez comme le feu, c'est pas parce que j'aime pas vos histoires. J'suis un peu jaloux de vous voir heureux. Je me réveiller demain matin, il va avoir un beau gros soleil. Peut-être que je vais voir un petit refrain venir au monde entre mes deux oreilles. C'est à cause de mon répondeur. Y'a absolument rien ça cassait. J'ai dit qu'asseoir dans mon petit cœur. Il fait frais. Donc tu vois, quand, même quand on n'est pas très nombreuses, y a des fois on est 22 réalisatrices. Mais même hier on était 8, dont nos invités de la femme, on a trouvé plein d'idées. En fait, on va faire des clips, on va essayer de mettre en place, de remplacer, tu vois, de prendre des scènes, ou en tout cas à la manière d'eux, parce que sinon on aura des problèmes de droit, mais à la manière d'eux, de gros films ou de grosses séries qui sont en place en France depuis des années et qui sont soit à 90% avec des rôles principaux occupés par des hommes, soit par des femmes de moins de 35 ans, et mettre des femmes entre 60 et 80 dedans. Tu vois, le faire rejouer. Et voilà, et par exemple, tu vois, une femme souvent, enfin nous on pense que c'est lié à ça, c'est que passé 50 ans, on ne peut plus avoir d'enfants. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans les séries, dans les fictions ? Des mères. Mais, excuse-moi, mais ma vie elle ne s'arrête pas. Enfin, tu vois, moi mes enfants, là, quand ils vont partir de la maison, ma vie elle ne va pas s'arrêter, quoi. Et tu vois, par exemple, même Candice Renoir. Candice Renoir, elle a commencé, elle avait 40 ans, elle avait des enfants, ta-ta-ta-ta, et une vie sexuelle. Et là, au bout de 10 ans, ils arrêtent. Parce qu'elle a 50 ans. Enfin, elle aussi, elle va arrêter, la comédienne. Parce que, voilà, ça fait assez. Par qui vont la remplacer ? Par un mec. Alors que, pourquoi ils ne la remplacent pas par une autre fille de 50 ans ? Parce qu'en fait, elle pourrait avoir une vie sexuelle, hein, tout simplement. Hein ? Parce que Candice Renoir, c'est beaucoup sur sa vie sexuelle aussi. Hein. Mais amoureuse aussi. Mais ça disparaît pas après 50 ans. Enfin, bon, bref, donc on est en train de réfléchir à des petites actions comme ça qu'on pourrait faire ensemble. Et par ailleurs, moi j'ai monté une petite boîte de production avec une amie mixeuse et directrice de post-prod. Je le dis pas parce qu'en France, si tu dis j'ai monté ma boîte de production, ouais, tu me dis ah Stéphanie, maintenant les productrices. Okay. Non, c'est pas comme ça que je vais gagner ma vie. Okay. Donc je le dis pas, mais je vais produire, enfin voilà, on va produire diverses choses, mais on veut faire de la production exécutive. Mais l'hiver prochain, enfin le printemps prochain, on produit un court-métrage que je vais faire, très rapide à tourner en une journée et demie. Et pour que je réalise, parce que j'en ai marre de pas réaliser. Tu vois. Et c'est uniquement des femmes ? Dans ma boîte ? Oui. Non, dans mon film, non. Non, mais ta boîte de production ? Bah, on est que deux. Okay. Non, en fait, on a un gérant qui est un homme. Okay. Mais qui est non, mais un ami. C'est des réalisatrices ? Oui. Okay. Oui. Oui. Si oui. On s'en sort pas. Alors, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas. Je veux dire. Il y a deux choses. Déjà, on ne fait pas ça contre les hommes. Enfin, tu vois, Jane Fonda, elle a donné une interview là, il n'y a pas longtemps par rapport à la loi, enfin, à l'abolition du décret là, pour l'avortement, voilà, aux États-Unis. Elle a dit le féminisme, ce n'est pas imposer le matriarcat. Le féminisme, c'est lutter contre le patriarcat pour la démocratie. À partir du moment où il y a autant de femmes que d'hommes dans la vraie vie, il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans toutes les instances de représentation, quelles qu'elles soient, et dans tous les domaines de la vie, en fait. Elle est incroyable, cette femme-là. Elle est incroyable. Non, mais c'est ça. Nous, on ne fait pas ça contre les hommes, et alors on voudrait que les hommes soient à nos côtés, mais... C'est évident. Tu sais, par exemple, tu sais, sur les feuilletons quotidiens en France, comme Plus belle la vie, ouais. Si grand soleil, tout ça. Chez nous, hein. Oui. Ça, ah ouais. Tu sais. Ouais. En fait, les réalisateurs, ils sont responsables de quelques séquences seulement. Mais c'est classé par prestige. C'est-à-dire les séquences à l'hôpital ou les séquences au commissariat, c'est équipe A. Donc réalisateur A. Après, t'as équipé, c'est D. Quand t'es D, vraiment, tu fais les arrivées de bagnole, les traversées dans la rue, les choses comme ça. Qui c'est qui est souvent en équipe C et D ? Bah, les réalisatrices. Qui c'est qui est moins payé et qui, du coup, a aussi moins de droits d'auteur sur l'épisode parce que moins de temps d'antenne ? Les filles. Et alors ? Maintenant, en plus que France Télé, tu sais, la directrice, enfin la présidente de France Télé, elle a dit qu'elle voulait 33% de femmes réalisatrices, ce qui n'est toujours pas la parité. Mais, bon, on prend. Alors là, ils ont été obligés de s'y mettre, tu vois, sur les 6 x 52, là, ça y est, c'est bon, ils embauchent. Mais ils en profitent pour les payer moins cher. comme dans la société française, moins 20%. Avec toujours comme excuse, ah oui, mais t'as moins d'expérience. Ben évidemment, les mecs, ça fait 30 ans qu'ils tournent. Et, ou tu vois, ah oui, mais t'as fait que du 90, t'as pas fait de 52. Et hop, tu vois, on te propose moins 25. Toi, t'as un bon agent, donc tu remontes à moins 20, moins 18 par rapport au mec, mais t'es quand même payé moins. Et alors, l'année d'après, à la saison d'après, quand tu pourrais dire, bah c'est bon, j'ai fait la saison précédente, donc je peux rattraper, bah c'est pas toi qui prennes, ils prennent une autre fille qui a jamais fait de 52, ou tu vois. Alors on s'en sort pas. On s'en sort pas. Enfin on s'en sort pas, on va s'en sortir, mais. Et donc voilà. Ah oui, et tu vois, sur les Ainsi Grand Soleil, c'est ce que je te disais, par exemple, t'es la fille de l'équipe D. Tu prends un pot en fin de prépa avec réalisateur A, réalisateur B, réalisateur C. Et là, les mecs, ils te regardent et ils te disent, ah ouais, mais genre, on a beaucoup d'humour, hein, c'est de l'humour. Oui. Ah, t'es là parce que t'es une fille. Mais tu sais que vous, vous êtes là parce que vous êtes des mecs et ça fait des dizaines d'années que ça dure. Tu sais que... Et on se prend des trucs comme ça dans la figure tout le temps, tout le temps. Mais... Et au cinéma ? Ouais. Bah oui, bien sûr, au cinéma. Carrément. Donc, il y a énormément de boulot. Il y a beaucoup, beaucoup de résistance, comme il y a toujours de la résistance au changement, de toute façon. Et on essaie de trouver des moyens sympas. Ludiques, pas toujours. Hein? Ludiques, non. Ouais, mais... Sans trop paraître comme... Alors, déjà... Des fascistes. Non, nous... On ne veut pas dire on est des victimes, on se plaint, mais par contre les chiffres sont les chiffres. Donc on ne nous dise pas c'est pas vrai. C'est vrai. Oh oui. Est-ce que tu connais Aline Stinus? Oui, oui, bien sûr. Bon, oh, elle est super. Elle fait la même chose, mais pour le théâtre. Oui, je sais. Même chose que toi. C'est super. Elle est super. Ouais. La prochaine fois, on se réunira, ça serait pas mal. Avec grand plaisir. Ah, ça va parler. Ouais. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Et oui, elle avait fait une très belle pièce rouge, là. Oui. Ouais, tu la connais. Oh, ouais. Et heureusement qu'on est solidaires aussi entre nous. Et puis, elle était venue voir mon film à l'époque parce qu'on avait une amie commune et du coup, on est resté en contact. Ouais. Et non, mais c'est super intéressant ce qu'elle fait, Anne. Oui. Et voilà, donc on essaye. C'est pas. Après, si tu veux, s'il faut taper du poing sur la table, on le fait. Mais en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est justement pas déclarer la guerre aux hommes. On aimerait bien qu'ils nous laissent le choix, quoi. C'est-à-dire, puisqu'à un moment donné, si on est obligé de la déclarer, ça sera triste et tout le monde sera perdant. Oui. Mais il faut aussi qu'ils entendent et qu'ils réalisent que la colère des femmes, c'est pas une mince affaire. Oui. Qu'elle est là, qu'elle va pas retomber comme un soufflé, quoi. Mais une chose qu'il faut dire aussi, c'est que les revendications, c'est des revendications qui sont importantes. Mais c'est pour ça, c'est pas que pour nous même. Enfin, moi, je vais te dire, je suis même pas sûre d'en récolter les fruits, c'est pas pour moi que je le fais. Je le fais parce que c'est des choix de société, que c'est super important. Je veux dire, quand tu milites pour l'abolition de la peine de mort, c'est pas parce que toi tu crains un jour, c'est pas pour toi. C'est que tu te dis, je peux pas vivre dans une société où on condamne les gens à mort. Ben là, c'est pareil. Moi, c'est pas juste parce que je suis une femme que je veux pas vivre dans une société où on respecte pas les femmes et où elles ont pas leur place. Mais ce qui est hallucinant là-dedans, c'est peut-être le manque d'ouverture, c'est que quand on voit des femmes prendre leur place, bah oui. On dit ah ben c'est des lesbiennes. Comme oui, si mais c'est ça, oui, c'est des hommages, c'est fou. Hein. Ouais. C'est des mal baisés, des c'est des hystériques. Ouais, c'est ça. Ah non, ouais. On a toute la panoplie là, qui sort. Mais ça, dans les années 60, les femmes qui prenaient leur place, on dit c'est une hystérique, on va la médicamenter. Ouais. Et c'est pour ça aussi, c'est à cause de ça. Enfin, tu vois, oui, le MLF en France, elles ont été tellement catégorisées. Ouais. Et c'est pour ça que du coup, des fois, tu as des filles aujourd'hui, pas trop les jeunes, mais tu vois, les filles d'une trentaine d'années, 40 ans, quand tu leur dis « Ah, vous êtes féministe », t'as dit « Ah non !» Tu vois, parce qu'elles veulent pas être assimilées à ça. Mais, bien sûr que t'es féministe si t'es une femme. Enfin, est-ce que t'as envie de passer après tout le monde? Ce serait idiot de pas l'être, en tout cas. Ouais, mais ces trentenaires-là, est-ce qu'ils risquent de briser tout le travail que vous préparez? Aussi, non, parce que je vais te dire, non, mais c'est surtout aussi. Moi, je pense que les mecs de mon âge et plus vieux, il faut quand même que. Déjà, je pense que le train de la parité, il est en marche. Je pense que s'ils veulent monter dedans, c'est maintenant. Sinon, ils vont rester sur le bord du quai puis ils vont sécher sur pied. Parce que ça se fera, du coup, ça se fera sans eux. Ça, c'est pas malin. balle. Plus capable de définir ni le bien ni le mal. J'suis fini, je le sais trop. La ville est trop immense et ma tête est trop sale. J'arrive devant le docteur et dit comment ça va la vie. J'ai plus envie de vivre, c'est ce que je lui ai dit. Y'a plus rien qui me fait rire si tu veux mon avis. Y'a sûrement quelque chose qui est pas normal. Y'a du monde qui s'ennuie devant la télévision en regardant les autres en train de crever de faim. Ailleurs c'est pire, ailleurs c'est la guerre. Je partage mon angoisse, ma douleur, ma folie avec la planète Terre ou avec encore mieux je l'espère avec tous les humains. La tête entre les deux mains là. Pas des hypocrites, c'est vrai quand ils parlent, c'est là que je me sens bien. Le vent souffle dans mes cheveux, la musique de tempête. Mes deux yeux grands ouverts, le sommeil est pas là. 50 millions d'idées qui se bousculent dans ma tête. Montréal, c'est ta faute, j't'aime trop, c'est pour ça. J'suis fini, je le sais trop. La ville est trop immense et ma tête est trop sale. J'arrive devant le docteur et me dit comment ça va la vie. J'ai plus envie de vivre, c'est ça que je lui ai dit. Y'a plus rien qui me fait rien si tu veux mon avis. Y'a sûrement quelque chose qui est pas normal là. Ben, ta fille. Mais elles vont les bouffer, hein, parce qu'elles, elles sont pas été élevées comme ça du tout. Hein. Moi, j'ai été élevée pour être gentille, ouais. Fermer ma gueule, ouais. Être, tu vois, être agréable, souriante et tout ça. Mais, et puis c'est moi qui me suis dit à un moment donné, mais pourquoi, ouais. En fait, ouais. Voilà. Mais, donc nous, on est des générations où on a eu notre chemin à faire et qu'on a ramé pour... Et nos parents en ont ramé, et nos mères en ont ramé aussi. Ah ouais, aussi, ah bah oui. Ouais. Nos arrière-grands-mères, c'était encore pire. Bah ouais. Ils restaient à la maison pour... Mais ça dépend, tu sais, c'est aussi... nous, on voit quand même qu'il n'y a jamais rien d'acquis, hein, la preuve sur l'avortement. Mais c'est aussi que les grandes avancées du féminisme, elles sont toujours suivies de retour en arrière. C'est ça qu'il faut faire, c'est à ça qu'il faut faire attention. Et donc, tu vois, il y a eu des époques où, en fait, les femmes en France, elles avaient plus de droits dans certains domaines, au moins. Tu sais, souvent, on dit, ah, c'est le Moyen-Âge, comme si c'était rétrograde. Mais en fait, les femmes en France au Moyen-Âge, elles avaient le droit d'être médecin. Ouais. C'est un droit qu'elles ont perdu après. Ouais. Elles avaient le droit à l'instruction, c'est un droit qu'elles ont perdu après. Tu vois, enfin, donc, et en fait, elles l'ont perdu quand on a fait la chasse aux sorcières. C'est-à-dire, à un moment donné, elles avaient trop de place, ça faisait chier, elles avaient trop de pouvoir. Ça prenait la place des mecs et bim, on les brûle. Donc, de côté, on reste très... Oui, oui, oui, mais c'est fou. Hein. Ben, oui. Est-ce que ta fille, tu lui as... Alors oui, déjà les jeunes générations, bah oui, forcément, mais mon fils aussi. Ouais, ben oui, déjà. Toi aussi, oui. Mais en fait, si tu veux, quand même, mes enfants, ils sont allés à l'école publique et dans un quartier et avec une directrice où, et aussi sous une politique, en fait, où il y avait, c'est pas des cours de sensibilisation à l'égalité des sexes, mais quelque chose comme ça. Et donc, où on leur parlait de sexisme, où on leur parlait d'égalité des chances. Ça, c'est des choses que moi, j'ai pas eues. Hein. Et les générations entre non plus. Et donc, tu vois, nous, par exemple, avec les enfants à la maison, on avait un jeu. Enfin, on faisait comme si on parlait, tu vois, on vivait notre vie. Et quand il y en avait un de nous qui disait quelque chose de sexiste contre les femmes, contre les hommes, tu vois, qui avait l'air de dire que oui, les hommes, c'est tous les mêmes, ils en foutent pas une, tu vois. Et ben, ou les femmes, ta-ta-ta. Et ben, il y en avait un qui faisait comme s'il appuyait sur le champignon, tu sais, au jeu télé, il disait « mais sexiste okay. !» Tu vois, pour qu'on prenne conscience oui. aussi okay. dans la vie de tous les jours, que nous-mêmes, on colporte des oui. idées sexistes, oui. des a priori, en fait. C'est presque inné. Je sais. C'est comme un réflexe. Moi, en tout cas, je sais que quand j'étais petite, les hommes, c'était comme ça. Tu vois, les hommes, ils foutaient rien à la maison, ben, c'est comme ça. Les hommes, ils étaient volages, ben, c'est comme ça. Ben non, en fait, c'est comme ça parce qu'on tolère que ce soit comme ça, parce qu'on les élève à être le centre du monde. C'est ça, les mères ont éduqué leurs... C'est pas une fatalité. Non, mais les hommes ont été éduqués, ça dépend en quelle année, mais pour ramener l'argent, pour subvenir à la famille. La mère restait à la maison pour prendre soin. Il était déjà là, une entreprise à enfanter. Hey, je pensais que tu étais en train de caler ton verre de vin. Non, je... non, non je c'est mon eau. Okay, j'ai dit, ouais, moi, j'avais soif. Ouais, de mon œil par la fenêtre, je vois l'hôpital. Je suis pas capable de croire qu'il faut. Je m'arrête ici, je suis tout seul. De toute façon, ça me fait trop mal. Mon corps, c'est un pays en guerre, sur le point de finir. Le général de l'armée de terre s'attend au pire. J'ai faim, j'ai frette, je suis trop faible pour me lever de bout. On va hisser le drapeau blanc, un point c'est tout. J'entends le téléphone qui hurle, j'ai des amis. Je voudrais tellement pouvoir me lever pour leur parler, leur dire allô, c'est moi, je suis correct, je suis toujours en vie. La planète tourne, n'est pas supposée tourner sans moi. Mon ennemi est arrogant et silencieux. Se calisse bien de savoir si je suis jeune ou si je suis vieux. Il est sûr de lui, il est méthodique. Il prend son temps, il est au service de la mort. Il connaît pas les sentiments. L'humanité, ça revient aux mains. Y'a pas de coupable, y'a pas d'or. Mais je suis heureux parce qu'au moins je meurs l'esprit tranquille. Je vais commencer mon autre vie de la même façon. Je vais avoir de l'instinct, je vais rester fidèle à mon style. L'entente parfaite entre mon cœur et ma raison. L'harmonica, c'est pas un violon, c'est pas éternel. Et puis ça pleure comme si c'était conscient de son sort. D'ailleurs, à soir, je me permets de pleurer avec elle. J'attends un peu, je suis pas pressé, j'attends la mort. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.